si succédé, pour pas jamais décoller. On soirée déterminée, pour pas ni restriction. On s'est récollé, pour pas jamais décoller. On soirée très habillée, même si on bat Coca-Cola. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. En bas Coca-Cola. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. Pour pas nous faire des mitous, à nous danser collé jusqu'à demain matin. Et même si nous fatigués, nous pouvons jouer commencer. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. En bas Coca-Cola. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. En nous fait un swing serré, à don feeling bien branché. Oubliez corps en nous, même si nous en bas Coca-Cola. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. En bas Coca-Cola. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. T'as volé un ciel, vivit qui ont si rondelle. Gébé moi plus fort, et soulagé gaye en moi. Si on y a Jacques, même si on bat Coca-Cola. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. Toujours sexy. En bas Coca-Cola. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. La soirée, okay.